Les communes de Ryongdo et de Gumpung de l'arrondissement de Sukchon, province du Pyongan du Sud, ont commémoré les 60e anniversaire de l'inspection du président Kim Il-sung. Les orateurs ont remémoré les 60 dernières années fières et invité tous à imprimer un tournant décisif dans la production agricole avec l'esprit d'application à tout prix de la politique du parti manifestée par les créateurs de l'esprit Gangwon-do, suivant le dessin du maréchal Kim Jong-un en matière d'édification d'une puissance socialiste, pour faire honneur à jamais aux exploits de direction du président Kim Il-sung.